Quelque résolution qu'elle eût prise de ne rien dire qui eût le moindre rapport à cette aventure, elle ne put s'empêcher de demander aux pagodes si le roi était de retour. Et lui dire que non, cette réponse qui s'accordait mal avec ce qu'elle avait entendu l'inquiéta. Elle ne laissa pas de demander encore si leur roi était jeune et bien fait. On lui dit qu'il était jeune, qu'il était bien fait et fort aimable. Elle demanda si l'on avait souvent de ses nouvelles. On lui dit que l'on en avait tous les jours. « Mais sait-il, ajouta-t-elle, que je suis dans son palais ?»« Oui, madame, répliqua-t-on. Il sait tout ce qui se passe à votre égard, il s'y intéresse, et l'on fait partir d'heure en heure des courriers qui vont lui apprendre de vos nouvelles. » Elle se tut et commença à rêver beaucoup plus souvent qu'elle n'avait accoutumé de le faire. Quand elle était seule, la voix lui parlait, elle en avait quelquefois peur, mais elle lui faisait quelquefois plaisir, car il n'y avait rien de si galant que tout ce qu'elle lui disait. « Quelque résolution que j'ai faite de ne jamais aimer, répondait la princesse, et quelque raison que j'ai de défendre mon cœur d'un engagement qui ne lui pourrait être que fatal. » « Je vous avoue, cependant, que je serais bien aise de connaître un roi dont le goût est aussi bizarre que le vôtre. Car s'il est vrai que vous m'aimiez, vous êtes peut-être le seul dans le monde qui puissiez avoir une semblable faiblesse pour une personne aussi laide que moi. Pensez tout ce qu'il vous plaira de mon caractère, mon adorable princesse, lui répondait la voix. Je trouve assez de quoi le justifier dans votre mérite, et ce n'est pas cela aussi ce qui m'oblige à me cacher. » J'en ai des sujets si tristes que si vous les saviez, vous ne pourriez me refuser votre pitié. » La princesse alors pressait la voix de s'expliquer. Mais la voix ne parlait plus, elle entendait seulement pousser de longs soupirs. Toutes ces choses l'inquiétaient, et quoique ce fût un amant inconnu et caché, il lui rendait mille soins, à joindre que le lieu où elle était lui faisait souhaiter une compagnie plus convenable que celle des pagodes. Cela fut cause qu'elle commença de s'ennuyer partout, la voix seule de son invisible avait le pouvoir de l'occuper agréablement. Une des nuits la plus obscure de l'année, où elle s'était endormie, elle s'aperçut en se réveillant que quelqu'un était assis proche de son lit. Elle crut que c'était la pagodine de Perle, qui, ayant plus d'esprit que les autres, venait quelquefois l'entretenir. La princesse avança le bras pour la prendre, mais on lui prit la main, on la serra, on la baisa, quelques larmes tombèrent dessus, on était si saisi qu'on ne pouvait parler. Elle ne douta point que ce ne fût le roi invisible. « Que me voulez-vous donc ? » lui dit-elle en soupirant. « Puis-je vous aimer sans vous connaître et sans vous voir ?»« Ah, madame, répondit-on, quelles conditions attachez-vous à la douceur de vous plaire ? Il m'est impossible de me laisser voir. » La méchante magotine qui vous a joué un si mauvais tour est la même qui m'a condamné à une pénitence de 7 ans. Il y en a déjà 5 découlés. Il m'en reste encore 2, dont vous adoucirez toute l'amertume si vous voulez bien me recevoir pour époux. Vous allez penser que je suis un téméraire et que ce que je vous demande est absolument impossible. Mais, madame, si vous saviez jusqu'où va ma passion, jusqu'où va l'excès de mes malheurs, vous ne refuseriez point la grâce que je vous demande. Les deux renettes s'ennuyaient, comme je l'ai déjà dit. Elles trouvaient que le roi invisible avait tout ce qui pouvait plaire dans l'esprit, et l'amour se saisit de son cœur sous le nom spécieux d'une généreuse pitié. Elle répliqua qu'il fallait encore quelques jours pour se pouvoir résoudre. C'était beaucoup de l'avoir amené jusqu'à ne différer que de quelques jours, une chose dont on osait se flatter. Les fêtes et les concerts redoublèrent, on ne chantait plus devant elle que les chants d'Hyménée. On lui apportait sans cesse des présents d'une magnificence qui surpassait tout ce que l'on n'avait jamais vu. L'amoureuse voix, assidue auprès d'elle, lui faisait sa cour dès qu'il était nuit, et la princesse se retirait de meilleure heure pour avoir plus de temps à l'entretenir. Enfin, elle consentit de prendre le roi invisible pour époux, et elle lui promit de ne le voir qu'après que sa pénitence serait achevée. « Il y va de tout pour vous et pour moi, lui fit-il. Si vous aviez cette imprudente curiosité, il faudrait que je recommençasse ma pénitence et que vous en partageassiez la peine avec moi. Mais si vous pouvez vous empêcher de suivre les mauvais conseils qu'on vous donnera, vous aurez la satisfaction de me trouver selon votre cœur et de retrouver en même temps la merveilleuse beauté que la méchante magotine vous a ôtée. » La princesse, ravie de cette nouvelle espérance, fit 1000 serments à son époux de n'avoir aucune curiosité contraire à ses désirs. Ainsi, les noces s'achevèrent sans bruit et sans éclat, le cœur et l'esprit n'y trouvèrent pas moins leur compte. Comme tous les pagodes cherchaient avec empressement à divertir leur nouvelle reine, il y en eut un qui lui apporta l'histoire de Psyché, qu'un auteur des plus à la mode venait de mettre en beau langage. Elle y trouva beaucoup de choses qui avaient du rapport à son aventure, et il lui prit une si violente envie de voir chez elle son père et sa mère, avec sa sœur et son beau-frère, que quelque chose au monde que put lui dire le roi, rien ne fut capable de lui ôter cette fantaisie. « Le livre que vous lisez, ajouta-t-il, vous peut faire connaître dans quel malheur Psyché tomba. Eh, de grâce, profitez-en pour les éviter. » Elle promit plus qu'il ne lui demandait. Enfin, un vaisseau chargé de pagodes et de présents magnifiques fut dépêché avec des lettres de la reine Laideronnette à la reine sa mère. Elle la conjurait de la venir voir dans son royaume, et les pagodes eurent pour cette fois seulement la permission de parler ailleurs que chez eux. La père de la princesse n'avait pas laissé que de trouver de la sensibilité dans ses proches. On la croyait périe, de sorte que ses lettres furent infiniment agréables à la cour. Et la reine, qui mourait d'envie de la revoir, ne résista pas un moment à partir avec sa fille et son gendre. Les pagodes, qui savaient seuls le chemin du royaume, y conduisirent toute la famille royale, et lorsque Laideronnette vit ses parents, elle pensa mourir de joie. Elle lut et relut Psyché pour être en garde sur tout ce qu'on lui dirait et sur tout ce qu'elle devait répondre. Mais il eut beau faire, elle s'égara en cent endroits. Tantôt le roi était alarmé, tantôt il était malade et de si mauvaise humeur qu'il ne voulait voir personne. Tantôt il faisait un pèlerinage, puis il était à la chasse ou à la pêche. Enfin, il semblait qu'elle était gagée pour ne rien dire qui vaille et que la barbare Magotine lui avait renversé l'esprit. Sa mère et sa sœur en raisonnèrent ensemble. Il fut conclu qu'elle les trompait et que peut-être elle se trompait elle-même. De sorte que par un zèle assez mal réglé, elles résolurent de lui parler. Elles s'en acquittèrent avec tant d'adresse qu'elles jetèrent dans son esprit 1000 craintes et 1000 doutes. Après s'être longtemps défendue de convenir de ce qu'elle lui disait, elle avoua que jusqu'alors elle n'avait point vu son époux, mais qu'il avait tant de charme dans sa conversation que c'était assez de l'entendre pour être contente, qu'il était en pénitence encore pour 2 ans, et qu'après ce temps-là, non seulement elle devait le voir, mais qu'elle deviendrait belle comme l'astre du jour. « Ah, malheureuse !» s'écria la reine, « que les panneaux qu'on te tend sont grossiers. Est-il possible que tu croies avec une si grande simplicité de tels contes ? Ton mari est un monstre, et cela ne peut être autrement, car tous les pagodes dont il est le roi sont de vrais magots. » « Je croirais bien plutôt, répliqua Laideronnette, que c'est le dieu d'amour lui-même. »« Quelle erreur !» s'écria la reine Belote. « L'on dit à Psyché qu'elle avait un monstre pour époux, et elle trouva que c'était l'amour. Vous êtes entêté que l'amour est le vôtre, et assurément c'est un monstre. Tout au moins mettez votre esprit en repos, éclaircissez-vous sur une chose si aisée. » La reine en dit autant, et son gendre encore davantage. La pauvre princesse demeura si confuse et si troublée qu'après avoir envoyé toute sa famille avec des présents qui payaient de reste le taffetas zinzolin et le ruban de manchon, elle résolut, quoi qu'il en pût arriver, de voir son mari. Oh, curiosité fatale, dont 1000 affreux exemples ne peuvent nous corriger, que tu vas coûter cher à cette malheureuse princesse. Elle aurait eu bien du regret de ne pas imiter sa devancière Psyché, de sorte qu'elle cacha une lampe comme elle, et s'en servit pour regarder ce roi invisible, si cher à son cœur. Mais quel cri épouvantable ne fit-elle pas, lorsque, lieu du tendre amour, blond, blanc, jeune et tout aimable, elle vit l'affreux serpentin vert, au long crin hérissé. Il s'éveilla, transporté de rage et de désespoir. « Barbare, s'écria-t-il, est-ce là la récompense de tant d'amour ?» La princesse ne l'entendait plus, la peur l'avait fait évanouir, et Serpentin était déjà bien loin. Au bruit de toute cette tragédie, quelques pagodes étaient accourus. Ils couchèrent la princesse, ils la secoururent, et lorsqu'elle fut revenue, elle se trouva dans un état où l'imagination ne peut atteindre. Combien se reprochait-elle le mal qu'elle allait procurer à son mari ? Elle l'aimait tendrement, mais elle laborait sa figure, et elle aurait voulu pour la moitié de sa vie ne l'avoir pas vue. Cependant, ces tristes rêveries furent interrompues par quelques pagodes qui entrèrent d'un air effrayé dans sa chambre. Il venait l'avertir que plusieurs vaisseaux remplis de marionnettes ayant Magotine à leur tête étaient entrés sans obstacle dans le port. Les marionnettes et les pagodes sont ennemis de tout temps. Ils sont en concurrence sur mille choses. Et les marionnettes ont même le privilège de parler partout, ce que les pagodes n'ont point. Magotine était leur reine. L'aversion qu'elle avait pour le pauvre Serpentin Vert et pour l'infortuné Laideronnette l'obligea d'assembler ses troupes, dans la résolution de les venir tourmenter au moment où leurs douleurs seraient les plus vives. Elle n'eut pas de peine à réussir dans ses projets, car la reine était si désolée qu'encore qu'on la pressa de donner les ordres nécessaires, elle s'en défendit, assurant qu'elle n'entendait point la guerre. L'on assembla par son ordre les pagodes qui s'étaient trouvées dans des villes assiégées et dans le cabinet des plus grands capitaines. Elle leur ordonna de pourvoir à toutes choses, et s'enferma ensuite dans son cabinet, regardant d'un œil presque égal tous les événements de la vie. Magotine avait pour général le fameux Polichinelle, qui savait bien son métier et qui avait un gros corps de réserve, composé de mouches, guêpes, de hannetons et de papillons, qui firent merveille contre quelques grenouilles et quelques lézards armés à la légère. Ils étaient depuis longtemps à la solde des pagodes, à la vérité plus redoutables par leur nom que par leur valeur. Magotine se divertit quelque temps à voir le combat. Pagodes et pagodines s'y surpassèrent, mais la fée d'un coup de baguette dissipa tous ces superbes édifices. Ces charmants jardins, ces bois, ces prés, ces fontaines furent ensevelis sous leurs propres ruines. Et la reine Laideronnette ne put éviter la dure condition d'être esclave de la plus maligne fée qui sera jamais. 400 ou 500 marionnettes l'obligèrent de venir jusqu'où était Magotine. « Madame, lui dit Polichinelle, voici la reine des pagodes que j'ose vous présenter. »« Je la connais il y a longtemps, dit Magotine. Elle est cause que je reçus un affront le jour de sa naissance. Je ne l'oublierai jamais. » « Hélas, madame, lui dit la reine, je croyais que vous vous en étiez suffisamment vengée. Le don de laideur que vous me distribuâtes au suprême degré pourrait avoir satisfait une personne moins vindicative que vous. « Comme elle cause, dit la fée, voici un docteur de nouvelle édition. Votre premier emploi sera d'enseigner la philosophie à mes fourmis. Préparez-vous à leur donner tous les jours une leçon. « Comment m'y prendrai-je, madame ? Répliqua la reine affligée. « Je ne sais point la philosophie, et quand je la saurai, vos fourmis sont-elles capables de l'apprendre ?» « Voyez, voyez, cette raisonneuse !» s'écria Magotine. « Eh bien, reine, vous ne leur apprendrez pas la philosophie, mais vous donnerez à tout le monde, malgré vous, des exemples de patience qu'il sera difficile d'imiter. » Là-dessus, elle lui fit apporter des souliers de fer si étroits que la moitié de son pied n'y pouvait entrer. Mais cependant, il fallut bien les chausser. Cette pauvre reine eut tout le temps de pleurer et de souffrir. « Oh ça !» dit Magotine. « Voici une quenouille chargée de toile d'araignée. Je prétends que vous la filiez aussi fine que vos cheveux, et je ne vous donne que 2 heures. »« Je n'ai jamais filé, madame, » lui dit la reine. « Mais encore que ce que vous voulez me paraisse impossible, je vais essayer de vous obéir. » On la conduisit aussitôt dans le fond d'une grotte très obscure. On la ferma avec une grosse pierre, après lui avoir donné un pain-bis et une cruche d'eau. Lorsqu'elle voulut filer cette crasseuse toile d'araignée, son fuseau trop pesant tombait sans et sans fois en terre. Elle eut la patience de le ramasser autant et de recommencer l'ouvrage à plusieurs reprises. Mais c'était toujours inutilement. « Je connais bien à cette heure, dit-elle, l'excès de mon malheur. Je suis livrée à l'implacable Magotine. Elle n'est pas contente de m'avoir dérobé toute ma beauté et elle veut trouver des prétextes pour me faire mourir. » Elle se prit à pleurer, repassant dans son esprit l'état heureux dont elle venait de jouir dans le royaume de Pagodie, et jetant sa quenouille par terre. « Que Magotine vienne quand il lui plaira, » dit-elle, « je ne sais point faire l'impossible. » Elle entendit une voix qui lui dit « Ah, reine, votre curiosité est trop indiscrète, vous coûte les larmes que vous répandez. Cependant, il n'y a pas moyen de voir souffrir ce que l'on aime. J'ai une amie dont je ne vous ai point encore parlé. Elle se nomme Fée Protectrice. J'espère qu'elle vous sera d'un grand secours. » Aussitôt on frappa 3 coups, et sans qu'elle vît personne, sa quenouille fut filée et dévidée. Au bout des 2 heures, Magotine, qui cherchait Noise, fit ôter la pierre de la grotte, et elle y entra, suivie d'un nombreux cortège de marionnettes. « Voyons, voyons, dit-elle, l'ouvrage d'une paresseuse qui ne sait ni coudre ni filer. » « Madame, dit la reine, je ne le savais pas, en effet, mais il a bien fallu l'apprendre. » Quand Magotine vit une chose si étrange, elle prit le peloton de fil d'araignée et lui dit « Vraiment, vous êtes trop adroite. Ce serait grand dommage de ne pas vous occuper. Tenez, reine, faites des filets avec ce fil, que ce soit assez fort pour prendre des saumons. » « Ah, de grâce, répliqua-t-elle, considérez qu'à peine les mouches s'y peuvent prendre. » « Vous raisonnez beaucoup, ma belle amie, dit Magotine, mais cela ne vous servira de rien. » Elle sortit de la grotte, fit remettre la grosse pierre devant, et l'assura que si dans 2 heures les filets n'étaient pas achevés, elle était perdue. « Ah, fée protectrice, dit alors la reine, s'il est vrai que mes malheurs puissent vous toucher, ne me refusez pas votre secours. » En même temps, les filets se trouvent commencés et achevés. L'aide-renette demeura surprise au dernier point. Elle remercia dans son cœur cette secourable fée qui lui faisait tant de bien, et elle pensa avec plaisir que c'était sans doute son mari qui lui procurait cet ami. « Hélas, serpentin vert, dit-elle, vous êtes bien généreux de m'aimer encore après les maux que je vous ai faits. » On ne lui répondit rien, car Magotine entra. Et fut bien étonnée de trouver les filets si industrieusement travaillés qu'une main ordinaire n'était pas capable de faire un tel ouvrage. « Quoi ? Lui dit-elle, auriez-vous la hardiesse de me soutenir que c'est vous qui avez tissé ces filets ? Je n'ai aucun ami à votre cour, madame, lui dit la reine, et quand j'y en aurais, je suis si bien enfermée qu'il serait difficile qu'on me pût parler sans votre permission. « Puisque vous êtes si habile et si adroite, dit Magotine, vous me serez fort utile dans mon royaume. » Elle ordonna aussitôt que l'on appareillât ses vaisseaux et que toutes les marionnettes fussent prêtes à partir. Elle fit attacher la reine avec de grosses chaînes de fer, crainte que par quelque mouvement de désespoir, elle ne se jetât dans la mer. Cette princesse infortunée déplorait pendant une nuit sa triste destinée lorsqu'elle aperçut à la clarté des étoiles Serpentin vert qui s'approchait doucement du vaisseau. « Je crains toujours de vous faire peur, lui dit-il. Et malgré les raisons que j'ai de ne vous point ménager, vous m'êtes infiniment chère. Pouvez-vous me pardonner mon indiscrète curiosité ? Répliqua-t-elle. Et puis-je vous dire sans vous déplaire ? Est-ce vous, Serpentin, cher amant ? Est-ce vous ? Puis-je revoir l'objet pour qui mon cœur soupire ? Quoi ? Je puis vous revoir, mon cher et tendre époux ? Ô ciel, que j'ai souffert, un rigoureux martyr, que j'ai souffert, hélas, en ne vous voyant pas. Serpentin répliqua par ses vers que les douleurs de l'absence troublent les cours amoureux dans le royaume affreux où les dieux irrités exercent leur vengeance. On ne saurait souffrir de maux plus rigoureux que les douleurs de l'absence. Magotine n'était pas de ces fées qui dorment quelquefois. L'envie de mal faire la tenait toujours éveillée. Elle ne manqua pas d'entendre la conversation du roi Serpentin et de son épouse. Elle vint l'interrompre comme une furie. « Ah ah ! Dit-elle, vous vous mêlez de rimer et de vous plaindre sur le ton de Phébus. Vraiment, j'en suis bien aise. Proserpine, qui est ma meilleure amie, m'a prié de lui donner quelques poètes à ses gages. Ce n'est pas qu'elle en manque, mais elle en veut encore. Allons, Serpentin vert, je vous ordonne, pour achever votre pénitence, d'aller au sombre manoir et de faire mes compliments à la gentille Proserpine. » L'infortuné Serpentin partit aussitôt avec de longs sifflements. Il laissa la reine dans la plus vive douleur. Elle crut qu'elle n'avait plus rien à ménager dans son transport. Elle s'écria « Par quel crime t'avons-nous déplu, barbare Magotine ? J'étais à peine au monde que ton infernale malédiction m'ôta ma beauté et me rendit affreuse. Peux-tu dire que j'étais coupable de quelque chose, puisque je n'avais point encore l'usage de la raison et que je ne me connaissais pas moi-même ? Je suis certaine que le malheureux roi que tu viens d'envoyer aux enfers est aussi innocent que je l'étais. Mais achève, fais-moi promptement mourir, c'est la seule grâce que je te demande. » « Tu serais trop contente, lui dit Magotine, si je t'accordais ta prière. Il faut auparavant que tu puisses de l'eau dans la source sans fond. » Dès que les vaisseaux furent arrivés au royaume des marionnettes, la cruelle Magotine prit une meule de moulin. Elle l'attacha au cou de la reine et lui commanda de monter avec jusqu'au sommet d'une montagne qui était forte au-dessus des nuées, que lorsqu'elle y serait, elle cueillit du trèfle à 4 feuilles, qu'elle en emplit sa corbeille et qu'ensuite elle descendit jusqu'au fond de la vallée pour y puiser dans une cruche percée l'eau de discrétion et qu'elle lui en apporta assez pour remplir son grand verre. La reine lui dit qu'il était impossible qu'elle pût obéir, que la meule de moulin était 10 fois plus pesante qu'elle, que la cruche percée ne pourrait jamais retenir l'eau qu'elle voulait boire, et qu'elle ne pouvait pas se résoudre à entreprendre une chose si impossible. « Si tu y manques, » lui dit Margotine, « assure-toi que ton serpentin vert en souffrira. » Cette menace causa tant de frayeur à la reine que, sans examiner sa faiblesse, elle essaya de marcher. Mais, hélas, ça aurait été bien inutilement si la fée protectrice qu'elle appela ne fût venue à son secours. « Voilà, lui dit-elle en l'abordant, le juste paiement de votre fatale curiosité. Ne vous plaignez qu'à vous-même de l'état où Magotine vous réduit. » Aussitôt, elle la transporta sur la montagne et lui mit du trèfle à quatre feuilles dans sa corbeille, malgré les monstres affreux qui le gardaient et qui firent pour le défendre des efforts surnaturels. Mais d'un coup de baguette, la fée protectrice les rendit plus doux que des agneaux. Elle n'attendit pas que la reine reconnaissante lui remerciât pour achever de lui faire tout le plaisir qui dépendait d'elle. Elle lui donna un petit chariot traîné par deux serins blancs qui parlaient, qui sifflaient à merveille. Elle lui dit de descendre la montagne, de jeter ses souliers de fer contre deux géants armés de massues qui gardaient la fontaine, qu'ils tomberaient sans aucun sentiment, qu'elle donna sa cruche au petit serin, qu'il trouverait bien le moyen de l'emplir de l'eau de discrétion, qu'aussitôt qu'elle en aurait, elle s'en frotta le visage, et qu'elle deviendrait la plus belle personne du monde, qu'elle lui conseillait encore de ne point rester à la fontaine, de ne pas remonter sur la montagne, mais de s'arrêter dans un petit bois très agréable, qu'elle trouverait sur son chemin, qu'elle pouvait y passer 3 ans, que Magotine croirait toujours qu'elle serait occupée à puiser de l'eau dans sa cruche, ou que les autres périls du voyage l'auraient fait mourir. La reine embrassa les genoux de la fée protectrice, elle la remercia 100 fois des faveurs particulières qu'elle en recevait, mais, ajouta-t-elle, « Madame, les heureux succès que je dois avoir, ni la beauté que vous me promettez, ne sauraient me toucher de joie jusqu'à ce que Serpentin soit déserpentiné. C'est ce qui arrivera après que vous aurez été 3 ans au bois de la montagne, lui dit la fée, et qu'à votre retour, vous aurez donné l'eau dans la cruche percée et le trèfle à Magotine. » La reine promit à la fée protectrice de ne manquer à rien de tout ce qu'elle lui prescrivait. « Cependant, madame, ajouta-t-elle, serais-je 3 ans sans entendre parler du roi Serpentin ? Vous mériteriez d'être tout le temps de votre vie privé de ces nouvelles, répondit la fée, car se peut-il rien de plus terrible que de réduire, comme vous avez fait, ce pauvre roi à recommencer sa pénitence ? La reine ne répondit rien. Les larmes qui coulaient de ses yeux et son silence marquaient assez la douleur qu'elle ressentait. Elle monta dans le petit chariot, les serins de canaris firent leur devoir et la conduisirent au fond de la vallée où les géants gardaient la fontaine de discrétion. Elle prit promptement ses souliers de fer qu'elle leur jeta à la tête. Dès qu'ils en furent touchés, ils tombèrent comme des colosses sans vie. Les serins prirent la cruche percée et la raccommodèrent avec une adresse si surprenante qu'il ne paraissait pas qu'elle eût jamais été cassée. Le nom que cette eau portait lui donna envie d'en boire. Elle me rendra, dit-elle, plus prudente et plus discrète que par le passé. Hélas, si j'avais eu ces qualités, je serais encore dans le royaume de Pagodi. Après qu'elle eut bu un long trait, elle se lava le visage et devint si belle, qu'on l'aurait plutôt prise pour une déesse que pour une personne mortelle.